comprendre la Chine par son histoire. Bonjour et bienvenue à cette 31e émission de Prendre la Chine par son histoire. Carl Derry au microphone et il me fait extrêmement plaisir de vous accueillir à nouveau cette semaine, alors que nous sentons de plus en plus le printemps qui s'installe tout autour de nous. Le printemps, c'est la lumière du soleil, c'est le moment par excellence du renouveau, de la nature qui reprend ses airs, de l'amour, des rêves et des passions qui nous habitent. Et pour cette raison, nous allons laisser l'actualité là où elle se trouve pour cette semaine. Et nous allons davantage prendre le temps de souligner la beauté de cette nature qui semble se réveiller d'un long sommeil hivernal. Mais avant de plonger dans l'émission d'aujourd'hui, j'aimerais prendre quelques secondes pour attirer votre attention sur l'émission « Une époque formidable » animée par Stéphane Bureau à l'antenne de Télé-Québec. Une émission qui avait un segment très instructif cette semaine portant sur la Chine. C'est un segment auquel plusieurs invités ont participé et qui aborde quelques-unes des questions sensibles liées au commerce avec la Chine, à la surveillance, à l'espionnage, ainsi qu'aux représailles politiques qui peuvent parfois être exercées par Pékin contre des individus qui oseraient critiquer publiquement l'État chinois. Le segment d'épisodes sur la Chine dure environ 17 minutes et il est d'ailleurs disponible sur la page YouTube de Télé-Québec dans une vidéo intitulée « Faut-il craindre la Chine? » À première vue, la réponse à cette question semble très simple. Pour les étrangers qui choisissent de commercer avec la Chine ou de se rendre en Chine en tant que touristes, il n'y aurait pas grand-chose à craindre, pas plus qu'ailleurs, je dirais. Mais pour les Chinois qui oseraient se prononcer publiquement et se montrer critiques face aux actions de leur gouvernement, ce serait une toute autre histoire. Revenant à notre émission, je disais donc que le printemps nous assaille de plus en plus avec sa chaleur qui revient et sa lumière qui est présente pour de plus longues périodes chaque jour. Mais aujourd'hui, en ce 4 avril, c'est aussi une des fêtes parmi les plus importantes de la civilisation chinoise. Il s'agit de la fête qu'on appelle le Qingmingjie, une fête qu'on nomme en français la fête des morts et qui revient chaque année 15 jours après l'équinoxe du printemps. C'est une fête qui correspond au moment de l'année où les Chinois en profitent pour aller nettoyer les pierres tombales de leurs parents afin de leur rendre hommage. C'est une fête qui s'enracine profondément dans les traditions anciennes de la Chine et il s'agit de l'une des fêtes qui exprime le mieux la piété filiale, alors qu'on en profite pour faire des offrandes alimentaires symboliques en plus de brûler de l'encens et de la monnaie pour les défunts. Le Qingmingjie est aussi associé à une autre fête qui vient habituellement la journée juste avant, une fête qu'on appelle le jour de la nourriture froide, Hanshu. Il s'agit d'une fête au cours de laquelle on s'interdit d'utiliser le feu pour cuire la nourriture. En souvenir d'un duc qui, selon ce qu'on raconte, il y a de cela très longtemps, à l'époque des royaumes combattants, avait fait brûler toute la forêt d'une montagne pour y faire sortir Tie Zitui, qui avait choisi de s'y cacher pour y vivre en reclus. Plutôt que de faire sortir de la montagne pour qu'il revienne à la ville, l'incendie avait plutôt entraîné la mort de celui que le duc voulait pourtant honorer. Et parce que le duc avait commis une erreur monumentale, les Chinois ont développé la coutume de s'interdire d'utiliser le feu en cette journée, juste avant la fête des morts, pour commémorer la mémoire de celui qui était mort dans la montagne, Tie Zitui. Le thème de la nourriture froide associée au printemps qui commence se retrouve non seulement dans l'alimentation, mais aussi dans l'histoire littéraire de la Chine, notamment dans un poème de Han Hong, ayant vécu au 8e siècle, à l'époque de la dynastie Tang. Alors, pour souligner cette fête, voici donc le poème de Han Hong, qui se veut une satire des privilèges accordés aux élites alors que le peuple était appelé à se priver de feu, les grands seigneurs ne se gênaient pas, eux, pour allumer les bougies reçues, symbolisant les faveurs qu'ils recevaient du souverain. C'est un poème qui s'intitule justement « Le jour de la nourriture froide » (Han Shi). Chun Chong Wu Chu Pu Fei Hua Han Shi Tong Feng Yu Liu Xie Zhi Mu Han Gong Chuan La Zhu Jing Yan San Zhu Wu Hou Jia. Et pour la traduction française du poème, ça va comme suit. En ville, au printemps, partout voltigent les fleurs. Le jour de la nourriture froide, le vent d'est incline les saules. À la tombée du jour, le palais offre des bougies dont la fumée se répand chez les cinq seigneurs. Ce n'est donc pas d'hier que les privilégiés s'arrogent des faveurs alors qu'on demande au peuple de vivre de privation. Mais laissons ici ces remarques pour ramener à l'avant-plan le bonheur qui vient avec le printemps qui se lève. Et pour ce faire, quoi de mieux que de se lancer tout de suite en musique avec une chanson qui s'intitule « Ying Chun Hua », ce qu'on pourrait littéralement traduire par « Accueillir les fleurs du printemps ». C'est une chanson qui date de l'année 1951 et dont le titre « Ying Chun Hua » désigne aussi une sorte de jasmin d'hiver, une plante qui fleurit justement à cette période de l'année, qui se trouve à la jonction de l'hiver et du printemps. Le jasmin d'hiver, aussi connu sous le nom de Jasminum nudiflorum, est un arbuste qui produit des petites fleurs jaunes qui symbolisent donc cet accueil que l'on fait au printemps. Alors, pour bien accueillir le printemps, voici la pièce « Ying Chun Hua » interprétée par Chang Lu. Ying Chun Hua, 咱们合理在，嘿嘿，那么。 nous sommes de retour à l'antenne de Prendre la Chine par son histoire et nous sommes prêts à reprendre notre récit historique. Alors que nous avons parlé la semaine dernière des premières années de la République et en particulier de la fragilité qui était associée à la République de Chine fondée en janvier 1912. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent la fragilité et la faiblesse de la République qui tentait de s'instaurer à partir de l'année 1912. D'abord, on doit bien sûr mentionner la mégalomanie de Yuan Shikai, alors que ce dernier ne voulait pas vraiment être président de la République, mais il semblait plutôt lorgner en direction du titre de « empereur de Chine ». Quand on l'observe avec du recul, ses actions ressemblent depuis le début de sa présidence à un sabotage en règle des institutions républicaines. Ensuite, on doit aussi mentionner le fait qu'il existait d'importantes divisions territoriales entre la Chine continentale et la civilisation du littoral, alors que cette dernière avait été davantage au contact de l'Occident et des idées nouvelles depuis la fin du 19e siècle. En ce sens, l'idéal républicain qui animait la nouvelle élite intellectuelle dont nous avons parlé était beaucoup plus présent dans les villes portuaires et leurs environs, et c'est un idéal qui signifiait très peu de choses dans de nombreuses régions rurales éloignées de ces villes portuaires. Cet écart entre la civilisation du littoral et les villes de l'intérieur du continent est d'ailleurs magnifiquement illustré dans un roman de Li Tiezhen, écrit en 1937, dont le titre est « Rides sur les eaux dormantes ». L'histoire raconte la période de bouleversement intense vécue en Chine entre 1894 et 1901, soit de la guerre sino-japonaise à la répression du mouvement des boxeurs. Et selon l'expression choisie par l'auteur pour le titre du roman, ce qui était perçu comme de profonds bouleversements dans les villes du littoral n'avait que très peu d'impact sur la vie des gens ordinaires dans les villes de l'intérieur du pays, comme Chengdu, par exemple, dans la province du Sichuan. C'est ainsi que les eaux dormantes représentaient les habitudes de la tradition qui étaient lentes à changer dans les villes de l'intérieur du pays, et les rides sur ces eaux représentaient les événements qui secouaient les villes du littoral et qui annonçaient la révolution à venir. Revenant aux raisons de la fragilité de la République de Chine durant ses premières années, en plus du fait qu'il s'agissait d'abord d'un phénomène surtout présent dans la région du littoral, gardons aussi en tête la nouveauté des idées républicaines en tant que telles, idées qui commençaient à peine à faire leur chemin dans les mentalités en Chine. Finalement, n'oublions pas de mentionner les pressions impérialistes, notamment de la part du Japon, qui ont eu lieu durant la Première Guerre mondiale. Des pressions qui sont venues aggraver considérablement l'instabilité du pays et donc la fragilité de la République. Yuan Shikai a donc tout fait pour fragiliser davantage une République qui était bredouillante en soi. Et suivant sa mort en 1916, la Chine a été plongée dans une période de profonde division et de rivalité territoriale, une époque qu'on appelle la période des seigneurs de la guerre, qui dura de 1916 à 1927. Les seigneurs de la guerre étaient d'anciens chefs militaires, des généraux qui étaient proches de Yuan Shikai, qui rivalisèrent les uns contre les autres pour accroître leur influence personnelle, leur richesse et leur territoire. La période des seigneurs de la guerre de 1916 à 1927 est une période qui est marquée par la faiblesse de l'autorité centrale et le morcellement du territoire. Il s'agit d'une période animée par les ambitions régionales conflictuelles de ces chefs de guerre et par le morcellement du territoire de la Chine en zone d'influence. Et c'est ce qui nous amène au troisième point de ce chapitre 12 portant sur la Première Guerre mondiale. En effet, avant de poursuivre plus avant avec la période des seigneurs de la guerre en Chine, il est important de revenir brièvement sur les premières heures de la République qui ont été profondément marquées par le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Il est bon ici de rappeler qu'à la veille du déclenchement de la Première Guerre, 21 pays avaient encore des droits divers en Chine et nombre de ceux-ci avaient même des zones d'influence sur lesquelles ils exerçaient un quasi-contrôle total. Quand on regarde une carte de la Chine de l'époque, on peut voir les différentes sphères d'influence des puissances étrangères sur le territoire de la Chine. La Russie était dans le nord-est de la Mandchourie, le Japon au sud de la Mandchourie et dans la péninsule du Liaodong, les Allemands dans la province du Shandong, les Français dans l'extrême sud du pays, les Anglais autour de Hong Kong, au Tibet et dans la région de l'estuaire du fleuve Yangtze. Ces zones n'étaient pas des colonies à proprement parler, mais les puissances étrangères y avaient tout de même acquis des droits d'usage importants au détriment de la Chine. À noter aussi que les puissances impérialistes respectaient sensiblement la politique de la porte ouverte, mise en place par les États-Unis à la fin du 19e siècle. L'idée derrière cette politique de la porte ouverte était pour les puissances étrangères de se laisser mutuellement libre accès à leurs zones d'influence en territoire chinois, afin d'éviter une partition territoriale similaire à la situation qui était vécue en Afrique à la même époque. Donc, lorsque la Première Guerre éclata en juillet 1914, les puissances européennes se détournèrent de la Chine et on vit une interruption partielle de l'activité commerciale des Occidentaux en Chine. C'est un vide qui fut partiellement comblé par la bourgeoisie locale qui prospéra rapidement, faisant dire à plusieurs spécialistes que la Première Guerre est la période de l'âge d'or de la bourgeoisie chinoise, ce qui est d'ailleurs le titre d'un livre célèbre de Marie-Claire Bergère, publié en 1992, qui porte justement sur cette période. Mis à part les hommes d'affaires chinois qui en profitèrent pour prendre leur place dans le commerce international, c'est surtout le Japon qui tira profit de la guerre européenne, alors que les pays européens se détournèrent majoritairement de l'Asie. Yuan Shikai connaissait les intentions du Japon et il anticipait même une agression de la part des Japonais. Et pour cette raison, le président déclara rapidement la neutralité de la Chine dans le conflit mondial dès le 6 août 1914. Puis, Yuan Shikai tenta de négocier une alliance avec l'Angleterre et les États-Unis afin de reprendre les territoires qui étaient occupés par l'Allemagne en Chine, territoires situés dans la province du Shandong. Mais les tentatives de négociation de la Chine rencontrèrent l'indifférence généralisée. Finalement, ce sont effectivement les actions du Japon qui bouleversèrent la situation en Chine, alors que le 15 août 1914, le Japon lança un ultimatum à l'Allemagne afin de reprendre les territoires occupés en Chine. Puis, le 23 août, le Japon déclara la guerre à l'Allemagne et rapidement, la forteresse de Qingdao, située au sud du Shandong, tomba aux mains du Japon dès le 7 novembre 1914. Si le Japon s'est impliqué activement dans la Première Guerre mondiale en Chine, c'était d'abord pour tirer avantage de la désertion des puissances européennes, mais il le faisait en s'appuyant sur l'alliance anglo-japonaise qui avait été signée en 1902. À l'époque, l'alliance entre l'Angleterre et le Japon avait été pensée pour faire face à l'expansion de la Russie en Asie, mais le Japon récupéra l'idée de protection mutuelle qui était au cœur de cette alliance, protection mutuelle en cas de guerre, pour justifier son attaque contre les possessions chinoises de l'Allemagne qui était alors en guerre contre l'Angleterre. Pour leur part, les Anglais tirèrent d'ailleurs avantage de cette intervention militaire du Japon contre l'Allemagne en Chine, puisque les intérêts économiques anglais de Hong Kong et des environs se trouvaient en quelque sorte protégés par un allié asiatique qui était à proximité. Face à cette expansion militaire du Japon en Chine, Yuan Shikai tenta de faire accepter en vain l'idée de zone de combat pour les conflits afin de limiter l'impact de la guerre sur le sol chinois. Mais encore une fois, la diplomatie chinoise se heurta par contre à une indifférence généralisée, alors que les Européens étaient surtout préoccupés par le conflit qui les déchirait sur le vieux continent, ils n'avaient que très peu d'intérêt pour la sauvegarde politique de la Chine. Suivant l'inspiration de groupes ultranationalistes japonais comme la Société du Dragon Noir, qui militait activement pour que le pays saisisse l'occasion de la Première Guerre pour agir, en janvier 1915, le Japon déposa auprès de la Chine ce qu'on appelle ses 21 demandes. Il s'agit d'un document dans lequel le Japon imposait à la Chine des droits économiques spéciaux qui lui étaient conférés pour ses activités dans la province du Shandong, en Mandchourie ainsi qu'en Mongolie intérieure. Les 21 demandes comprenaient aussi une clause d'administration conjointe sino-japonaise pour tous les projets liés au développement du chemin de fer et à l'exploitation des ressources naturelles dans ces mêmes régions. Et en plus, elle contenait aussi une clause qui imposait la non-aliénation de ces régions et des droits d'exploitation des ressources aux autres puissances impérialistes, ainsi que l'obligation de consulter des conseillers économiques japonais. Les 21 demandes contenaient par ailleurs des clauses très controversées, dont une disant que la Chine devait seulement faire appel aux conseillers politiques et économiques du Japon, et une autre disant que 50% de tous les achats de fournitures militaires de la Chine devaient être faits au Japon. Selon la version originale de la proposition de janvier 1915, la mise en application des 21 demandes aurait eu pour effet que la Chine serait alors devenue plus ou moins un protectorat du Japon. Alors qu'il se trouvait isolé sur le plan diplomatique, s'étant déjà buté à plusieurs reprises à l'indifférence des Occidentaux face au sort de la Chine, Yuan Shikai a donc paradoxalement tenté d'utiliser l'opinion populaire à son avantage, afin de faire pression sur le Japon, et pour y parvenir, il a fait publier les 21 demandes du Japon dans les journaux chinois afin que tous en prennent connaissance. La réaction fut immédiate et généralisée, alors que dans plusieurs des villes chinoises, on dénonça fermement l'odieux des requêtes du Japon, au point que l'événement suscita un très fort engouement patriotique qui donna lieu à des manifestations de protestation populaire ainsi qu'un appel au boycottage des produits japonais. Finalement, Yuan Shikai a tout de même été contraint d'accepter les 21 demandes en mai 1915, mais les deux clauses les plus controversées avaient alors été retirées. Avant de poursuivre avec la suite de notre récit durant la Première Guerre mondiale, nous allons nous tourner à nouveau vers la musique avec une pièce qui nous rappelle à nouveau que le printemps est à nos portes. Ce qui est d'ailleurs à peu près le titre de la pièce musicale choisie. Une chanson qui s'intitule « Chuentao Lhasa », ce qui signifie « Le printemps arrive à Lhasa ». Voici donc une pièce qui est interprétée au Gucheng par Zhou Wang, « Chuentao Lhasa », et nous, on se retrouve tout de suite après la pause. Thank you.